Chapitre 7. Les dames de la tour de Nesle. 1. Paris sous Philippe le Bel. La tour de Nesle, devenue la Babel des romanciers, a cela de bon qu'elle n'appartient pas à la même architecture que le palais de la Belle au bois dormant ou les sept châteaux du roi de Bohême. C'était au XIVe siècle un des édifices considérables de Paris, un de ceux qui exprimaient le mieux le côté sombre, presque sinistre, de l'architecture féodale. Sous Philippe le Bel, le mur d'enceinte de la rive gauche partait de la hauteur du pont des Arts, décrivait un arc de cercle qui laissait en dehors la rue Mazarine actuelle et aboutissait à l'est au pont de la Tournelle. La Seine formait la corde de cet arc. Sur l'emplacement du collège Mazarin et de l'hôtel de la Monnaie s'élevait l'hôtel de Nesle, d'abord appelé Tournelle de Philippe Hamelin. Ses bâtiments et jardins étaient à peu près circonscrits par les rues Mazarine, de Nevers et le quai Conti, autrefois nommé quai de Nesle. La tour de Nesle, située au nord de la partie d'entrée de l'hôtel, était ronde, très élevée et accouplée à une seconde tour plus haute, moins forte en diamètre, et qui contenait un escalier à vis. Cette tour faisait face à la tour occidentale du Louvre appelée la tour qui fait le coin. Cet hôtel de Nesle appartenait au domaine royal au XIVe siècle. Philippe le Bel l'avait donné pour résidence à son fils Philippe le Long, mari de Jeanne de Bourgogne, qui demeura 8 ans. Cette résidence, comme toutes celles des princes de cette époque, n'était pas aussi somptueuse que nous le ferait croire la mise en scène de nos théâtres. C'était riant comme une forteresse, meublée de chêne noirci, ornée de mélancoliques tapisseries à personnages, privée de glace et même de tapis, qui chez les riches étaient remplacés par de la paille fraîche dans les salles de réception. Le jour, il y faisait sombre, et la nuit, il y faisait noir. En vertu d'un usage qui prit vigueur pendant la captivité du roi Jean, à 8 heures du soir, en toute saison, la cloche de Notre-Dame sonnait le couvre-feu. À ce signal, tous les feux et lumières devaient s'éteindre et les passants rentrer au logis. Aucune de ces distractions délicates et charmantes dont s'entourent aujourd'hui de simples bourgeoises de notre temps ne se rencontrait chez la noble dame de cette époque. L'hôtel de Nesle était un séjour des plus tristes, et Paris, ville aux rues tortueuses et fangeuses, n'invitait pas à la promenade. C'était à périr d'ennui. Il faut se rendre compte de tout cela pour comprendre de quelles ressources datait la galanterie sous le plus beau de nos rois, surtout pour les pauvres femmes qui n'avaient ni les plaisirs de la chasse ou de la guerre, ni le jeu de dés et l'ivrognerie. Ce fut dans cette épaisse atmosphère que vers l'an 1310, la date précise nous manque, 3 jeunes princesses, de beauté peu commune et d'esprit délié, complotèrent pour se divertir ensemble, aux dépens de leur mari et au péril de leur vie et de leur salut éternel. L'une d'elles, Jeanne de Bourgogne, habitait l'hôtel de Nesle, ainsi que nous l'avons dit, et s'était ménagée à un retrait dans la tour qui lui dut sa célébrité. Là, elle avait de l'air, de la solitude et de l'espace. Le pied de la tour baignait dans le fleuve. La vue s'étendait sur la Seine, ses îles verdoyantes, la Saulée qui, jusqu'en 1313, couvrait le rivage jusqu'à la hauteur du pont Saint-Michel, et sur le Louvre et la forêt, aïeul de nos Champs-Élysées. Ce fut dans cette retraite de prédilection qu'elle réunit sa sœur et sa belle-sœur et ourdit le complot en question. 2. Le complot. À la cour du roi Philippe, leur dit-elle, on ne voit que gens de loi au visage rébarbatif, aux gens de guerre que la crainte du roi et des princes, nos maris, tient éloignés de nous. Jamais une fête, jamais une distraction. Dans les châteaux des provinces, les dames ont encore quelques passe-temps. Ici, la politique, la justice et la guerre occupent seules la cour. Mon mari Philippe est à Rome. De fait, je suis veuve sans jouir des droits du veuvage. Et je suis jeune. Et au palais, dans les réunions, ou les dimanches, quand je me rends sur ma mule blanche à l'église Notre-Dame, j'entends dire de tous côtés « comme elle est belle ». Les femmes, les filles du populaire, ajoutent qu'elle est heureuse. Heureuse de porter ses belles robes, ses gros bijoux et d'être princesse. Tandis que moi, je me dis, les voyant au bras de qui les aime, sont-elles heureuses ? Quoi ? Se récria la princesse Marguerite. Seriez-vous sincère, Jeanne ? Est-il possible que vous n'ayez pas un ami ? C'est cependant la vérité, Marguerite. Et si Blanche et vous étiez toujours restée à Paris, malgré votre beauté, vous seriez sans ami comme moi. Autour du roi Philippe règne une sorte de terreur, et nul à la cour n'osait lever les yeux vers vous. Ah, si vous vouliez vous entendre avec moi, comme vous vous êtes entendu avec ma sœur. Marguerite et Blanche, comtesse de la Marche, s'entrant regardèrent en souriant. Blanche était, comme Jeanne, fille d'Othon IV, comte palatin de Bourgogne, et toutes trois elles avaient épousé les fils de Philippe le Bel. Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre, était fille de Robert II, duc de Bourgogne, et par Agnès sa mère, petite-fille de Saint-Louis. Elle avait été fiancée en 1299 à Louis dit le Hutin, héritier de la couronne de France, mais en raison de son âge, la cérémonie du mariage avait été retardée jusqu'en 1305. Sa jeunesse était écoulée en compagnie de Blanche à l'abbaye de Maubuisson. Là, jouissant de la liberté des champs, les deux jeunes princesses s'étaient laissées courtiser par deux gentilshommes normands, deux frères, Pierre et Gauthier d'Aulnay. Ces d'Aulnay étaient des hobereaux sans fortune et sans renom. Ils sentaient la glèbe et ne brillaient ni par l'éducation ni par l'esprit. Le ciel leur avait même refusé la beauté, mais Maubuisson était le désert, ils étaient apparus sans rivaux et dans le cadre agreste qui leur convenait. L'amour qui chuchote sous les bois, soupire dans les roseaux des étangs, babille dans les ruisseaux, les avait eus pour interprètes aux pieds des princesses ignorantes comme eux, aigrisées comme eux par les désirs qui peuplent la solitude. Les feuillages ombreux, les pelouses, les caprices des sentiers, l'air saturé de senteurs, les rayons du printemps, le ciel et la terre avaient été leurs complices. Plus tard, les deux gentilshommes normands, Pierre et Gauthier, avaient suivi à Paris leur belle maîtresse. Là, comme ils n'étaient pas assez riches et assez nobles pour entrer à la cour, ils étaient restés à distance dans une humble hôtellerie du quartier des Écoliers. Les princesses étaient fort surveillées, les rendez-vous étaient plus difficiles, plus rares et surtout plus périlleux qu'à Maubuisson. Jeanne le savait, et tout en leur enviant leur bon gentilshomme campagnard, d'un service si fidèle et si discret, elle était certaine de les enchanter de l'offre de son alliance. « Que veux-tu dire, ma sœur ? » demanda Jeanne. « Nous entendre avec toi. Mais tu ne peux douter de notre amitié, et quant au plaisir d'amour, les d'Aulnay ne sont que deux frères. »« Mais sont-ils sans amis ? » reprit Jeanne. « Peut-être, » fit Marguerite, « ils sont pauvres et vivent fort retirés. » « Ils habitent ce quartier des Écoles, » insista Jeanne, « qui est le seul endroit de Paris où l'on rencontre des jeunes gens d'esprit et d'audace, prêts à tout tenter pour l'amour et le plaisir. » « Eh bien, qu'ils cherchent entre les plus beaux et les plus braves, qu'ils se lient avec l'un d'eux, et un soir, après le couvre-feu, quand le guet veillera seul sur la ville endormie, qu'ils viennent tous les trois à la tour de Nesle. »« Quoi ? Tu les recevrais ?» s'écria Marguerite. « Et vous, » dit Jeanne de Bourgogne, « ne seriez-vous pas heureuse de les recevoir ici ? Peux-tu en douter ? Oh, Jeanne, Jeanne, si tu savais combien Blanche et moi nous souffrons de la surveillance étendue sur nous. Revoir nos amis nous est devenu presque impossible. Tandis qu'ici, dans cet hôtel où tu vis seule, dans cette tour isolée dont seule tu as les clés, nous retrouverions toutes les joies de notre jeunesse. Mais il faut que vous voyiez vos amis, dit Jeanne. Nous les reverrons. Que vous les persuadiez, c'est cause gagnée. Et quant à l'inconnu qu'ils me présenteront, j'entends qu'il garde vis-à-vis de lui le secret de mon nom et de ma condition. Sans doute. Et cependant, que veux-tu dire ? Pour parvenir jusqu'ici, je vais vous expliquer, dit Jeanne, ce qu'ils auront à faire. Venez. Toutes trois se levèrent et de la tour principale passèrent dans la tour moins large qui contenait l'escalier. Lorsqu'ils furent au bas des marches, voici, dit Jeanne, deux portes. Celle que nous avons ouverte pour venir à la tour et qui donne accès dans l'hôtel, et cette autre que l'on n'ouvre jamais, au bas de laquelle se trouvent trois marches de pierre que recouvre souvent l'eau du fleuve. C'est par cette porte qu'ils entreront. Ils viendront donc par la Seine. C'est le seul chemin discret et sûr. Ils s'embarqueront près de Notre-Dame. Leur nouvel ami aura les yeux bandés. Lorsqu'il sera de notre retraite, son bandeau tombera et nous garderons nos masques. Ainsi le secret nous sera assuré. Blanche et Marguerite écoutaient, émues et pensives. Après un silence, « Nous sommes sûrs de Pierre et de Gauthier, » dit enfin l'une d'elles, « mais cet inconnu. Les écoliers de Paris sont aussi avisés qu'entreprenants. Malgré son bandeau, malgré nos masques, si ce jeune garçon devinait notre qualité, alors plus de repos, plus de sommeil pour nous, plus de sécurité. » « Et s'il m'aime ?» fit la femme de Philippe, avec une impatience mêlée d'amertume. « Pourquoi songera-t-il à me trahir ? S'il t'aime, il voudra te connaître, et s'il te connaît, il sera assez fier de sa bonne fortune pour ne pas en parler. » Vos prudents gentilshommes ne sauraient-ils point choisir un ami discret ? Leur prudence ne peut être mise en doute, mais ils ne connaissent pas le tempérament des écoliers de Paris. Cependant, le choix d'un gentilhomme serait encore pour moi plus dangereux, vous en conviendrez. Ah, je vous vois déjà tremblante. Tout d'abord, l'offre d'un surasile vous avait séduite. Vous ne songez qu'au plaisir de revoir vos amants, vous ne songez qu'à vous. Mais notre péril serait commun, repartit Marguerite. Comme nos plaisirs, répliqua Jeanne. Aussi, avant de nous abandonner à des plaisirs si dangereux, devons-nous réfléchir et essayer de prévoir. J'ai tout prévu, cher. Si mon amant me trahit, les vôtres sont là pour le punir. Et qui nous répondra de son silence ? Le doux et charmant visage de Jeanne se contracta douloureusement. « La scène, » répondit-elle. À ces paroles laconiques et terribles, Blanche et Marguerite se jetèrent dans les bras de Jeanne et l'embrassèrent. Le pacte était conclu. 3. Les écoliers. Les écoliers de l'université de Paris étaient pour la plupart de pauvres diables, sans ressources, qui se nourrissaient plus de sciences que de mets solides, et à qui cependant la philosophie et la théologie ne coupaient point l'appétit. Aussi les écoliers, de même que les basochiens, leurs frères, étaient la terreur des taverniers et des rôtisseurs. L'université, comme la basoche, créée par Philippe le Bel, était cependant des corporations puissantes qui avaient des privilèges considérables. Un fait suffira à en donner l'idée. Un clerc ou écolier, nommé Pierre le Barbier, convaincu d'assassinat, fut arrêté, jugé et pendu par le prévôt de Paris. L'université fit grand bruit de cette affaire, qui portait atteinte à ses privilèges, et les écoles furent fermées par ordre du recteur. On voulait la mort du prévôt. Le roi Philippe le Bel fut obligé de dépouiller le magistrat de sa charge et d'adresser des excuses à l'université. Mais nous y insistons, ces écoliers, malgré leurs grands privilèges, recevaient de leur collège une assez maigre pitance et, comme aujourd'hui encore en Allemagne, étaient obligés de quêter pour vivre. Nous vous laissons à penser ce que pouvait être leur plaisir en dehors des joies sereines de l'étude. Les cocottes du temps, qui formaient aussi une corporation, laissaient fort à désirer sous le rapport du linge et du gîte. Leur galanterie crottée de la boue sans nom de Paris avait des repères tellement affreux que l'on a du mal à se figurer la séduction qu'elles pouvaient exercer. Et cependant, ces infortunées ribaudes étaient dangereuses aux écoliers. Ce qui donne à penser que la disette d'amour ne sévissait pas moins que l'autre dans l'université. Aussi, les prudents gentilshommes Pierre et Gauthier d'Aulnay furent-ils aussi surpris qu'effrayés lorsque leur royale maîtresse leur firent part des projets de Jeanne. Les désirs de Jeanne étaient pour eux un ordre. Ils se déclarèrent prêts à obéir et se mirent en quête. Ils allèrent en conséquence se promener souvent devant le collège des bons enfants et fréquentèrent les clos et les courtilles, rendez-vous des écoliers. Enfin, ils arrêtèrent leur choix sur un joli garçon d'une vingtaine d'années, dont les grands yeux bleus leur semblèrent dignes de fiancer leur regard avec les grands yeux noirs de la dame de Nesle. L'aborder et faire sa connaissance n'offrait aucune difficulté. Un pot de vin d'Argenteuil les aida à prendre langue. L'écolier se nommait Jehan Aubry et étudiait la philosophie sous l'illustre docteur Jehan Buridan de Béthune, en Artois, procureur de la nation de Picardie. Gauthier d'Aulnay en avait entendu parler. « Vous avez, dit-il à l'étudiant, un maître célèbre pour sa sévérité autant que pour sa science. » « Il est vrai, messire, car il ne se passe pas de jour sans que le docteur Buridan ne parle contre le relâchement des mœurs et ne fulmine contre les femmes. L'amour n'a pas d'ennemi plus acharné. » C'est une partie de ces leçons qui ne doit pas avoir un grand succès parmi vous, car ce n'est pas une raison, parce qu'il est refroidi par la science et par l'âge, pour que vous renonciez au plaisir d'aimer. Aimer, fit le jeune homme en levant ses beaux yeux vers le ciel. Toute la science du monde ne saurait nous défendre de l'amour, mais ce que le savant docteur blâme n'est point tant d'amour que la débauche. Et je vous le déclare, messire d'Aulnay, autant je serais heureux de servir une dame, autant j'éprouve de dégoût pour les ribaudes qui peuplent les rues de Paris. Oui, da. Et je suis heureux de vous entendre parler ainsi, car mon frère et moi, nous partageons tout à fait votre sentiment, et si nous étions assurés de votre amitié et de votre discrétion, peut-être vous aiderions-nous à trouver une demoiselle ou une dame digne de l'amour dont vous parlez. « Oh ! » s'écria Aubry avec feu, « n'en doutez point, messire, pour un tel service, mon amitié et ma vie vous seraient acquises. Attendez, une telle action n'est pas sans péril. Ne craindriez-vous pas la vengeance d'un père ou d'un mari ? Je n'ai jamais connu la peur, messire. » Et sauriez-vous garder le secret de votre bonne fortune ? Par Cupidon, je vous le jure. Eh bien, repartit d'Aulnay, nous nous reverrons, car nous devons avant tout faire plus ample connaissance. Ils se séparèrent. C'est bien, se dirent les deux frères, le jeune homme naïf et passionné qu'il nous faut. Quelques jours plus tard, après en avoir parlé à leur maîtresse, les deux gentilshommes furent de nouveau trouver l'écolier Aubry. La nuit tombait. On se hâtait de rentrer chez soi avant que les 50 cavaliers du guet, au signal donné par Notre-Dame, n'eussent commencé leur ronde et fait exécuter le couvre-feu. L'automne abrégeait les jours. Les fumées du souper rampaient lourdement sur les toitures basses de tuiles et de chaumes moussus et se mêlaient au brouillard de la rivière. À 7 heures, les barques des passeurs, qui alors remplaçaient les ponts, avaient de l'ouvrage et faisaient force de rames. Les voyageurs pressaient leurs montures pour arriver aux portes avant la fermeture. Les Juifs de l'île du Palais étaient déjà enfermés et barricadés. 8 heures allaient sonner. Pour Gautier et Pierre d'Aulnay, il n'y avait donc pas une minute à perdre. « Dieu vous aide, messire !» les salua le jeune écolier. « Il me semble que vous me cherchez. Auriez-vous quelques bonnes nouvelles ?»« Nous venons, » dit Pierre, « vous inviter à une partie que nous faisons avec nos maîtresses. Voici bientôt le couvre-feu, l'heure des larrons et des amoureux. Vous plaît-il d'en profiter ?»« De grand cœur, » répondit l'écolier. « Mais où nous réunissons-nous ? Sera-ce à votre hôtellerie ou plutôt chez une de ces dames ?»« Ce sera chez une de ces dames. Où demeure-t-elle ? Au bord de l'eau. Et nous nous rendrons chez elle, dans une barque que nous avons près d'ici, aussitôt la nuit noire et le couvre-feu sonné, afin d'éviter les indiscrets. À merveille, je suis des vôtres. » Arrivés chez Nobel, reprit Gautier, nous souperons gaiement, en dépit des jaloux et des chevaliers du guet. Jamais, bel écolier, vous n'aurez rencontré nappe plus blanche, femme plus belle et chair plus exquise. Et des vins, ajouta Pierre d'Aulnay, mais suivez-nous, la cloche sonne. Il faut nous rapprocher de la rive et profiter du moment de confusion du couvre-feu. Tous trois se dirigèrent vers la Seine. La barque était amarrée à un saule un peu au-dessous du petit Châtelet. Les deux frères n'avaient osé jusque-là parler à Aubry de lui bander les yeux. Ils craignaient de l'alarmer. Mais au moment de détacher la barque... « Mon ami, dit Gautier, bien que vous nous ayez juré le secret et que nous ayons confiance en vous, je dois vous dire que nos dames, prévenues de votre visite, se sont récriés sur notre imprudence et ont exigé que nous vous bandions les yeux pour vous amener chez elles. Nous leur avons juré de leur obéir. Y consentez-vous ? » ?»« Vous m'en prévenez un peu tard, répondit Aubry. Qu'importe, vous savez à quel péril ces femmes s'exposent. Elles ont tant à redouter d'une indiscrétion, tandis que vous, vous n'avez rien à craindre. N'hésitez pas, croyez-nous. » Je suis allé trop loin pour reculer, dit Aubry. J'y consens. 5 minutes plus tard, ils abordaient tous trois au pied de la tour de Nesle. « Devinez-vous où vous êtes ? » demanda un des Normands. « Non, en vérité, » répondit l'écolier. Il est bon de dire que la barque avait louvoyé pendant quelques instants afin de tromper ses calculs. Mais en arrivant à la poterne, ses mains rencontrèrent la muraille. « On dirait des pierres du Louvre, » dit l'imprudent. « Ne cherchez pas à vous reconnaître, » lui répliqua Gautier. « Acceptez le plaisir comme il vous est offert, sans vouloir jamais en connaître l'origine. » Votre curiosité vous perdrait. » Mais tout devait servir d'indice au jeune garçon dans cette aventure. Déjà, il se savait au bord de la Seine, dans une habitation de pierre de taille, et bientôt l'esquiliavis lui apprit qu'il était dans une tour. Les nouveaux amis y réfléchirent et commencèrent à se repentir, mais bientôt l'imprudence des trois princesses mit leur inquiétude à son comble. Masquées, mais vêtues avec une magnificence orientale, Blanche, Jeanne et Marguerite trahissaient assez par le luxe de leur toilette leur qualité de grande dame. Lorsque son bandeau tomba, l'écolier fut oublié et ravi à la fois. Les fenêtres étaient fermées par des volets matelassés. Des torchères chargées de cire parfumée répandaient une vive lumière sur le délicieux groupe des trois jeunes femmes accroupies sur de riches coussins et sur une table basse où brillait l'argenterie. Un buffet trapu et large avait été récemment apporté dans cette retraite. Ses rayons de chêne disparaissaient sous les plats, les coupes, les flacons d'argent. Des roses couraient en guirlandes du flanc rebondi des aiguières et des hanapes aux pyramides de gâteaux, de viande et de fruits. Jamais semblable merveille n'avait été entrevue, même en rêve, par le pauvre écolier, et son air ébahi le disait assez. « Le paradis est bien haut, » dit-il, « mais je dois être ici à moitié chemin. » Nous laissons à l'imagination du lecteur le soin de recomposer la scène du souper qui suivit. Il ne tarda point à tourner à l'orgie. On soupait mieux chez Jeanne de Bourgogne que chez Madame Scarron, car si Jeanne, plus gourmande d'amour que de rôti, supprimait un plat, ce n'était point par une spirituelle causerie qu'elle le faisait oublier. La nuit tout entière s'écoula dans l'ivresse de passion sans frein, et ce fut un moment terrible, celui où l'un des Normands qui avait gardé quelques raisons et venait de prendre l'air dans la seconde tour rentra près des convives et s'écria « Le jour, voici le jour !» Les dames se levèrent effrayées. Seul Jean Aubry, accablé, sommeillait. « Le ciel pâlit, » reprit Gautier, « c'est l'aube. Encore quelques minutes et nous ne pourrons plus sortir. » « Il faut réveiller ce jeune garçon. »« Ce sera pour la nuit prochaine, » dit Jeanne. « Voyez comme il dort. » « S'il rentrait ainsi à Paris, » ajouta Marguerite, « n'en doutez point, il nous perdrait. » « Ah, qui vous prouve que ce soir il sera plus raisonnable ?» s'écria Gautier. « Il a vu trop de choses étonnantes. » Le mystère que vous vouliez garder lui appartient à cette heure. Votre luxe, votre beauté vous ont trahi. Cependant, il faut partir, répétait Pierre. Emportez-le, dit Jeanne, et surveillez son réveil. Il aura fait un beau rêve, dit Gauthier d'un air sombre, mais si vous m'en croyez, il ne se réveillera pas. Que veux-tu dire ? S'écria Jeanne en pâlissant. Que la vie de trois princesses et de deux gentilshommes vaut bien celle d'un écolier sans nom et sans fortune. Oh non, ce serait horrible, s'écria Jeanne. Et plus horrible encore serait la vengeance du roi. Oui, oui, il dit vrai, appuyèrent Marguerite et Blanche, frissonnantes de terreur. Cependant, le pauvre garçon, la tête sur un coussin, dormait. Voyons, il est temps de prendre un parti, dit brutalement Pierre d'Aulnay. Viens, rentrons à l'hôtel, dirent à Jeanne la comtesse de la Marche et la femme de Philippe. Mais Jeanne ne pouvait détacher ses regards de cet infortuné qui sans doute allait payer de sa vie le secret de ses plaisirs. Elle tomba à genoux, se pencha vers lui et lui donna un baiser. Sa sœur et sa belle-sœur, alarmées de ce mouvement de tendresse et de pitié, se précipitèrent vers elle, la prirent dans leurs bras et l'entraînèrent. « Laissons-les faire, disait la princesse Marguerite. Voici le jour. » Le lendemain, un écolier manquait aux leçons du docteur Jehan Buridan.